Théâtre La Compagnie présente ateliers et spectacles par quelques 53 comédiens amateurs. Rendez-vous du 25 au 28 juin à la salle Roger Salengro de Waterloo. Renseignements 03 20 99 91 19 ou théâtre.com. Les Flechtones en concert à la boîte à musique waterloosienne dimanche 28 juin dès 20h30. Retrouvez-y le meilleur de la scène pop-rock garage en provenance des States. Infoline 03 20 02 24 71 ou sur myspace.com/Flechtones. Flânerie campagnarde au rythme des sabots dimanche 28 juin 10h au départ du centre équestre de Waterloo. Au cours de cette balade, vous aurez le plaisir de parcourir le cœur de la campagne waterloosienne et de découvrir les richesses du patrimoine rural. Petite Anne, poneys et chevaux du Boulonnais vous accompagneront pendant cette escapade. Inscription, office de tourisme, Waterloo, 03 20 75 85 86, tarif 5 et 6 euros et gratuit pour les moins de 3 ans. On promet la lune à découvrir du 23 juin au 30 août au Forum départemental des sciences de Villeneuve-d'Ascq. L'année mondiale de l'astronomie est à découvrir au travers de conférences, mini-concerts, spectacles et séances de planétarium. Plus d'infos 03 20 19 36 36 ou forum départemental des sciences.fr. On vous promet la lune est à découvrir du 23 juin au 30 août au forum départemental des sciences de Villeneuve-d'Ascq. L'année mondiale de l'astronomie au travers de conférences, mini-concerts, spectacles et séances de planétarium. Plus d'infos 03 20 19 36 36 ou forum départemental des sciences.fr. Retrouvez toutes ces infos et bien d'autres encore sur galaxyfm.com. Galaxy.

Einfach? Hey man, you know what? Just don't strive. I'm fucking biased. Bye. Stranger, be the truth. How long can it be amazing, blue and bright? singing. I'm singing all the time, 'cause I'm swinging. 'Cause I'm swinging my mind. 'Cause I see what I see when I see what I see. I see what I see when I see what I see. You and all the lights in modern times. I greet New York in modern times. I greet Chicago in modern times. Hope they will turn them back. Hope they take me all the way back. Let's make a dance, sitting in the dance. te l'ho dato Nini, eh? Presley sur Galaxy. Wesley sur Galaxy. Wesley